You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. C'est Kev, j'espère que vous allez bien, c'est la dernière de la semaine. J'ai envie de crier parce que ça sent le week-end arriver les amis, c'est la fin. J'espère que ça va vous rentrer du taf ou vous partez au taf. En tout cas, nous on est là. Hey les amis. amis, aujourd'hui, grosse émission, les amis, parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait encore dans le Before Dance Floor, c'est des canulars téléphoniques, les amis. On va voir si ça vous fait rigoler, si ça vous fait rigoler, on continuera. Si ça vous fait pas rigoler, bon, on continuera quand même, parce que moi, ça me fait rigoler. En tout cas, au programme, dédicace, canular, info insolite, encore une fois, de l'humour, de la bonne humeur, vos 8. Et pour commencer, on va vous faire découvrir maintenant un son que vous adorez sur Radio Mixlore. Bienvenue, c'est le Before, jusque 21h. 20h, 21h, le Before Dance Floor, avec Kev, sur Radio Mixlore. Uh-oh, running out of breath, but I got stamina. Uh-oh, running out, I close my eyes, well, oh, I got stamina. And uh-oh, I see another mountain to climb, but I got stamina. Uh-oh, I need another lover in mine, cause I'm a lover. Don't give up, I won't give up, don't give up, no, no, no. Don't give up, I won't give up, don't give up, no, no, no. I'm court, court, court, court, court, mais c'est le temps qui court. dernier. Et c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Hey, hey, hey. Mais à coup pas. À demi-mot pardonné, tous tes défauts avoués. À demi-mot pardonné, mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Avouez, moitié pardonné. Bienvenue sur le Before Dancer, c'est Kev. Welcome to the Ski 21h. Bienvenue tout le monde. Radio Mixplore, un max de son. Allez, tout de suite, on va tester quelque chose qu'on n'a jamais fait. Un canular téléphonique en direct ensemble dans le Before. Donc là, on va appeler quelqu'un donc, qui vend sur le bon coin un porteur trotteur. Donc vous savez, c'est les trucs pour les bébés. Les bébés où on monte dessus, qui avancent avec leurs pieds là. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, on va demander si ça peut rouler sur l'autoroute et si on peut monter dessus. C'est parti, s'il vous plaît, la production. Si on peut appeler le numéro, le 03. Je rigole, je plaisante, on va pas dire le numéro à l'antenne. Donc, attendez. J'adore dans cette émission, c'est que tout et n'importe quoi peut arriver à l'antenne. Du coup, en fait, on va c'est le numéro qui ne marche pas. D'accord, donc on va changer de numéro. D'accord, donc maintenant on va appeler pour une voiture téléguidée, les amis. Tiens, allez, c'est parti, on change comme ça. Voiture téléguidée, donc le 06 77 79. C'est parti. Allô? Oui? Oui, allô, madame? Oui, allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour madame, je vous appelle pour l'annonce sur le bon coin. Oui, oui. Laquelle? Donc pour la voiture téléguidée. Oui. Voilà, donc à 6 euros, donc voiture téléguidée avec une télécommande, etc. C'est ça? Oui, avec un petit volant à côté qui sert à la diriger. Ah, excellent quoi. Excellent. C'est quelque chose de très basique, hein. C'est pour les jeunes enfants. Oui, oui, je me doute. Bah, moi, ça, je peux vous poser quelques questions pour m'enseigner, quoi. C'est oui. Possible. Je vous dérange pas? Non, non, pas du tout, allez-y. Je vous dérange pas, madame? Non, non, c'est bon. D'accord, excusez-moi, je vous entends très mal, j'ai l'impression. C'est possible de poser le téléphone, de reculer peut-être du téléphone parce que je vous entends très fort. Ah, d'accord, je sais pas du tout. Bah, en fait, je suis à moitié dans le hall d'entrée, donc ça doit résonner, c'est pour ça. C'est possible de vous éloigner du téléphone, madame? Vous êtes. Cela me vient avec moi, s'il te plaît. Encore, reculez encore, s'il vous plaît. Oui, c'est bon comme ça? Encore, s'il vous plaît. Encore, légèrement. Allô? Allô? Encore légèrement, s'il vous plaît. Oui, c'est bon comme ça? Oui, oui, ça va. Ça peut aller. Donc, elle est toujours disponible, hein? Oui, elle est toujours disponible. Ah non, madame, vous saturez. Excusez-moi, c'est possible. Attendez, je vais regarder si c'est mon téléphone. Je suis désolée, je peux pas faire grand-chose, du coup, là. C'est possible de vous... Je peux pas être... C'est possible, madame, de mettre en haut-parleur, vous poser le téléphone et vous... De vous éloigner, quoi. Je suis en haut-parleur, en fait, déjà. Et c'est possible de poser le téléphone et de... Allô? De vous éloigner. Allô? Allô? Je vous entends plus, madame. Alors, raccrochez. On le rappelle. Oh, s'il vous plaît, on peut la rappeler. Donc, alors, j'ai trois nouveaux jeux, tiens. Le but, c'est de faire éloigner la personne le plus loin possible du téléphone. C'est tellement con, mais c'est drôle. Alors, on a tenté, le but c'était partir sur l'autoroute, mais là on est parti pour faire chine, dame, quoi, c'est drôle. Vas-y, on peut la rappeler s'il vous plaît. Donc, en espérant que. Peut-être elle a redémarré son téléphone. Donc là. Allô? Oui? Ah, excusez-moi, on a été coupé?

pas de blême point. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Faut même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blême point. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Radio Mix Floor, Radio Mix Floor. Follow. Bienvenue dans le Bifort. Excusez-moi les amis, donc il se passe un truc de ouf dans les studios, je peux pas trop vous dire qu'est-ce qui se passe. Alors il y a dédicace à Mickaël, dédicace aux Bretons là qui nous écoutent, merci pour toutes les émissions que tu nous fais. Excusez-moi, j'ai un problème actuellement. Donc il y a Laurine qui fait Kev, je t'adore, tu as une belle voix, merci Laurine. Nous avons Maureen également qui fait qui avait fait une dédicace, s'il te plaît, j'embrasse mon copain qui s'appelle Gaëtan, qui m'écoute actuellement. Allez, tout de suite les amis, on est sur Radio Mixer, c'est le Bifort Dance Floor, bienvenue tout le monde. Yeah. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Un max de son dance floor. It's just a lover, yeah. Na na na na, ooh na na na. Enrique and baby Serena. Wide awake, wake, wake till 6 a.m. Time to work, yeah. Let me make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, hush, hush, don't tell no one. I'm not proper, Mr. Lover, yeah. Got enough, enough, enough to turn you on. So, baby, just keep it a little secret. Like they don't know, won't do them no harm. We can do mouth to mouth with no speaking. We can see eye to eye in the dark. Oh, don't you need somebody? Bienvenue les amis sur Radio Mix Floor. On est sur le Before Dance Floor. Attends, excusez, ouais, vas-y. Radio Mix Floor, un max de son. Allez, je rappelle que samedi soir, on sera au Lino, à l'Inoc, pardon, excusez-moi, sinon la production va gueuler. Donc vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il y a, okay, je peux pas vous raconter, les amis. Voilà. Alors, si, alors les amis, la vidéo elle sera en ligne seulement dimanche. Voilà, elle sera dimanche ou maintenant. En fait, ça dépend de la production. En fait, si vous préférez, l'équipe de la Libre Antenne, en fait, m'ont laissé quelque chose. Donc, en fait, Alexis était dans les bureaux, etc., en train de préparer l'émission de ce soir. Parce que ce soir, c'est une émission, spéciale, défi, etc. Donc, les amis, ils viennent de me faire quelque chose. Donc, il y a Alex qui vient de rentrer dans les studios. Bonjour, bonjour Alex. Excusez-moi, j'arrive plus à parler, copain. Alex, s'il te plaît, prends le relais. Ouais, d'accord. Alex, qui galère. Alex, ça va Alex, tranquille? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Attends, c'est quoi cette voix de merde? Ouais, ça va, ouais, j'avoue, t'as une petite voix assez assez masculine. Ah, là, oh là là. Oh là là. Oh, je m'entendais, je m'entendais. D'un coup, ça fait un écho comme ça. Attends. Ouais. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Est-ce que ça va? Oui. Bah écoute, très bien, merci, vous allez bien? Oui, ça va très bien, ça va très bien. En forme ce jeudi soir. On démarre le week-end dès ce soir. Ouais, le week-end ce soir, les amis. Un samedi, on sera où, Alex? Ouais, on sera à l'Inox Club Discothèque, évidemment. Ça se passe du côté de Gravelines, si vous êtes dans le nord de la France, en tout cas. Pour une soirée 100% Radio Mixlore avec Al et moi-même au micro. Il y aura même Kevin qui sera avec nous pour distribuer des cadeaux. Hein, Kev, ouais, évidemment, là, ouais. Qui sera avec nous. Et puis, on aura plein de cadeaux Radio Mixlore avec DJ Neta Cole Platine. Bref, en tout cas, une soirée 100% Radio Mixlore. Ça se passe à l'Inox Club. Entrée gratuite avant 1h et puis 5€ après 1h. Donc, c'est gratos. Et en plus, on vous offre des entrées encore ce soir là tout à l'heure dans la libre antenne. Voilà, donc alors je vous explique pourquoi je galère à parler. Bah oui, c'est parce qu'en fait on l'a déjà fait dimanche. Dimanche quand il est avant qu'il enfin il est venu à la radio parce que samedi soir on est à l'Idox et du coup dimanche on l'a déjà fait. Et c'est vrai que je t'avais donné un piment d'ailleurs, la vidéo je t'avais mis sur ton mur. Et ce soir avant la libre antenne, il nous restait les piments avant qu'on les jette et du coup j'ai dit à Kevin ce soir en émission, je lui ai dit allez, c'est jeudi soir, on se fait plaisir. Tu reprends ton train dans quelques minutes. Et du coup, je me suis dit allez, avant de reprendre le train, tu vas goûter un peu de piment. Et puis au final ça l'arrache la gueule. Je vous jure, c'est impossible à parler. Je parle en fait, je bave. Voilà, je bave. C'est ça. C'est un truc de ouf. Je sais pas si ça a fait le même effet, mais je parle. Bah, nous on avait de la moutarde dessus. Enfin, pas moi en tout cas, parce que j'aime pas, mais. Bon, bref, en tout cas, les amis, c'est le Before Dance Floor. Excusez-moi, je suis plus je suis plus dynamique du tout, les amis. Je parle, je bave. Ça va aller. Je parle. Pitbull pour la suite. Ouais, mais. Il y a là, heureusement qu'il y a là le directeur là. Give me the green light. Cause I'm ready to go, let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. What I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh yeah. Cause I'm ready to go, let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Give me what I asked for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Take a shot, red light, green light. Give me everything you got, red light, green light. Everybody take a shot, red light. Oh,